Chapitre 24. L'immense châtiment de celui qui ordonne le bien et interdit le mal, mais dont les actes s'opposent aux paroles. Allah Ta'ala dit: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Sourate 2, verset 44. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Sourate 61, verset 2 et 3. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Sourate 11, verset 88. 198. Abu Zaïd, Usama ibn Zaïd ibn Haritha, radiallahu anhuma, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: le jour de la résurrection, un homme sera amené et jeté en enfer. Ses entrailles sortiront de son ventre et il commencera à tourner autour comme un âne autour de la meule. Les gens de l'enfer se rassembleront alors autour de lui en l'interrogeant: « Ô un tel, que t'arrive-t-il? N'avais-tu pas l'habitude de nous ordonner le bien et de nous interdire le mal ?» Il répondra: « Si, je vous ordonnais effectivement le bien, mais sans le faire, et je vous interdisais le mal tout en le commettant. » Al-Bukhari et Muslim.